Chapitre 7e. Trouvé perdu. Le fait est que ce pauvre M. Charlet avait une presse détestable. Il y a des moments où les journalistes n'ont rien à se mettre sous la plume, alors, au hasard, ils ouvrent une campagne. Cette fois, en plein août, mois de vacances, il n'y avait rien. Rien, rien. Le crime de la rue du Mont-Tabor, qui en somme ne présentait rien de rare, avait pris, de par l'absence d'autres faits, une importance considérable. Tous les reporters s'étaient érigés en policiers. On voulait trouver l'assassin, d'autant que le chiffre de la succession, 800 000 francs, aguichait l'intérêt du public. Dans les journaux révolutionnaires, c'était force cri contre le préfet de police qu'au lieu de pourchasser les prolétaires, fera mieux de ne pas laisser le champ libre aux assassins. Le préfet, M. Larose, était à la campagne et se souciait fort peu de ses attaques. Il en avait vu bien d'autres. Mais en vérité, ce pauvre M. Charlet ne savait plus à quel saint se vouer. Il se confinait dans son bureau, passant son temps à recevoir les rapports négatifs de ses meilleurs limiers. Comme il était de caractère emporté, il avait même eu le tort d'envoyer promener certains reporters encombrants. Et alors, la guerre déclarée contre lui était devenue furieuse. Fouinard lui-même en avait eu pitié. Il s'était présenté un matin au quai des Orfèvres, sans doute pour l'aider bénévolement, en dépit de ses dernières rebuffades, à se tirer d'embarras. M. Charlet parut sur la porte de son cabinet. « Mon petit, lui dit-il de sa voix cassante, je trouve votre démarche d'un goût désastreux. Je n'ai rien à vous dire ni à entendre de vous. Je n'entends pas qu'on se fiche de moi. Au revoir. » La porte s'était bruyamment refermée. Fouinard n'avait pas pipé mot et avait empoché l'objurgation et mis son mouchoir par-dessus. Seulement si M. Charlet avait pu surprendre le court colloque de Fouinard avec sa canne, peut-être eût-il usé de plus de diplomatie. La petite Suzon avait très bien rempli la mission que Fouinard lui avait confiée. Parmi les noms des voyageurs arrivés au Havre aux dates en question, il avait retenu deux noms, M. Roger Segnebos et M. Van Kopfen. Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres ? Surtout que de ce M. Segnebos, il ne s'était même pas occupé. Une seule personnalité avait semblé l'intéresser, et du reste, il n'avait pas eu de peine à le découvrir. Van Kopfen était descendu au Continental, où il avait pris une chambre des plus confortables. Justement, M. Van Kopfen, un gros négociant de Charlestown, à ce qu'avait dit le portier, descendait l'escalier pour se rendre à la salle à manger. Fouinard avait endossé la livrée d'un chasseur de restaurant, un camarade de Chériche la lui avait prêtée. « Pardon, monsieur, » dit-il le personnage, un grand, gros homme, richement vêtu en touriste de marque, le visage cramoisi sous le chapeau mou. « Pardon, vous êtes bien, monsieur Van Kopfen de Charlestown ?» L'autre s'arrêta et le toisa. « Qu'est-ce que vous me voulez, je ne vous connais pas. »« Je le sais, monsieur, mais on m'a dit que vous êtes arrivé de New York par le Germania, et je viens vous prier très humblement de me rendre un petit service. » « Je vous répète que je ne vous connais pas et que je n'ai nul service à vous rendre. »« Je vous en prie, monsieur, c'est si peu de chose. »« J'attendais par le Germania, c'est bien la compagnie en bourgeoise, n'est-ce pas, un petit camarade à moi, un nommé Salary, qui a servi au Delmonico à New York et qui a dû faire le cuisinier sur le Germania. »« Est-ce que je vais aux cuisines ?»« Non, je ne dis pas cela. »« Mais quand vous étiez sur le Germania, vous auriez pu le remarquer, un petit blond, dans les 18 ans. »« En voilà assez, vous m'obsédez !» « Est-ce que vous supposez que sur un bateau, on s'occupe des domestiques ? Je ne sais rien. Bonsoir. » L'homme voulut se dégager. Fouinard lui barra le passage. « Votre ami, peut-être, l'aurait remarqué. »« Quel ami ? Ah ça, allez-vous me laisser tranquille ? Je vais appeler les garçons pour me débarrasser de vous. »« Ne faites pas cela, je m'en vais. » »« Pourquoi cela vous fâche-t-il que je vous parle de votre ami, M. Roger Segnebos ?» Cette fois, M. Kopfen eut une sorte de haut-le-corps, aussitôt réprimé d'ailleurs. Mais peut-être Fouinard s'était-il trompé. En fait, son insistance suffisait à expliquer un soubresaut d'impatience. Comme il allait répéter sa question, Van Kopfen, avec une agilité dont sa corpulence ne donnait aucune idée, le repoussa, descendit 4 à 4 les marches de l'escalier, traversa la cour et pénétra dans la salle à manger. Fouinard ne pouvait se risquer à l'y suivre, c'était lieu d'asile. Mais sans s'émouvoir autrement, il descendit à son tour et avisant un des garçons de l'hôtel qui baillait aux corneilles. « Dis donc, camarade, lui dit-il, entre copains on peut bien se rendre service. Je suis du café riche. Bonne maison, j'ai fait mes choux gras. Et je l'ai fait à mon tour. Je suis assez calé. Viens-tu prendre un verre ? Pourquoi pas, je suis libre ce soir. Comme ça tombe, allons au bar espagnol. » quand il fera assis devant une petite table, avec à leur disposition une demi d'amontillado. Voilà, en deux mots, camarade. Il y a dans l'hôtel un bonhomme appelé Von Kopfen. Eh oui, arrivé depuis quelques jours. Justement, il est dans mes numéros, comme ça tombe. C'est un homme chic, pas vrai? Une espèce d'ours, qui grogne tout le temps, jamais content. Riche, possible, mais il y a tant de rasta là-dedans. Et puis j'en suis encore à voir la couleur de ses pourboires. Bon, tu m'inquiètes. Voilà l'affaire. Figure-toi qu'il a une bonne somme à gagner. Un de mes bons clients du riche, le comte Léon, tu sais bien. Oui, oui, fit l'autre, ne sachant pas du tout, mais voulant paraître très informé. Le comte Léon de l'autoclub, eh bien, il paraît qu'il a une grosse créance sur ce Von Kopfen qui lui a glissé dans les mains pour filer en Amérique. Le hasard m'ayant appris que le bonhomme était rentré à Paris. Eh, dis donc, interrompit tout à coup le copain occasionnel de Fouinard. Le voilà qui quitte l'hôtel. Oui, c'est bien sa valise. Et lui aussi, il monte en auto. Mais qu'est-ce que tu as ? Bondissant sur ses pieds, Fouinard avait jeté une pièce de 100 sous sur la table et s'était lancé dehors. Il arriva sur le trottoir, juste au moment où Von Kopfen disparaissait dans l'auto qui rapidement se mettait en marche à grande allure, filant vers la place de la Concorde. En 10 secondes, il avait disparu. Fouinard restait cloué sur place, tout penaud. Il se jeta dans un taxi ordinaire, non pour poursuivre le fuyard, mais pour rentrer chez lui. Il avait besoin de rassembler ses idées.